Ce jour, à l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, les masses médias de divers pays du monde ont présenté les numéros spéciaux. Les journaux Weibo, comme Samsung Pravda et Kommersant, l'agence de presse d'Internet YelpDV, le journal d'Internet du territoire de Khabarovsk, ZebriDV, et le homepage d'Internet irkutskblogspot.ru de Russie, le journal Nigerian Observer, l'égyptien Al-Akhbar Al-Masai et le journal Kuwait Times ont apprécié les exploits du général Kim Jong-il qui a développé le Parti du Travail de Corée en organisation révolutionnaire invincible et maternelle. Le journal russe Buibor a présenté une photo du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il qui se trouvent ensemble et une photo du général.